cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Bazette qui veut dire Zorro. Being an additive synthesizer. Mais qu'est-ce qui se passe? Paraît que c'est la merde ici. Paraît que les fils de pute Jack. Mais où sont-ils, hein? Ça finira à coup de batte. Je n'ai plus le temps pour les Mickey, y'a plus de place pour les pourparlers. Je pense que ton flow est niqué, mais toi reggae comme Bob Marley. Zorro, Zorro, et bien sûr c'est comme ça que l'on m'appelle. J'ai baisé trop de merde, j'ai dû me lancer dans le business de Capote et d'Athènes. A chaque fois que c'est le bourson dans le rap game, c'est moi qu'on appelle à la rescousse. Mais je ne comprends plus les codes du rap, entre MC ils se sucent et se baissent tous. Pareil que je suis trop vulgaire, mais ça me fait un bien fou de les insulter. Profession MC, trafiquant punchline à la force de frappe de Cassius Clay. Je débarque comme si je joue un 4-4, je vais le swagger de la gueule au sabot. Ils veulent en fit, je comprends pas le concept, ils aiment se faire frapper, c'est sado. Les salauds. Je suis le cavalier masqué, j'ai mes crimes par un Z. La concurrence zéro, allez voir ailleurs si j'y suis, va te faire enculer par un Zeb. Ils se prennent pour des princes, mais ils viennent pas de Bel Air. T'as 150 chevaux, j'ai un cheval, mais je te mets à l'amende quand j'accélère. Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé. Je répète, Zorro est arrivé, Belek, Zorro est arrivé. Bokeba, Zorro est arrivé, Belek, Zorro est arrivé. Bokeba, Zorro est arrivé, Belek, Zorro est arrivé. Bokeba, Zorro est arrivé, Belek, Zorro est arrivé. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, hein? Swag de Zorro, j'ai tellement de style que pour leur clip ils veulent en prêter mais peu ça. Putain, son s'ennuie par ici, leur album n'en valent même pas la peine. Au passage Renoir, t'as la peau sèche dans tes clips, tu ne mets même pas la crème. J'suis pas dans votre game, dans votre monde, non, moi j'suis complètement décalé, non. Ça reste entre nous, mais une tête d'affiche, pas demandé si je n'avais pas une punch à la dépanner. Il m'a pris pour un canard, ouais. T'as affaire à Zorro, connard, ouais. Ça ne vaut même pas la peine que je te tranche la tête, pose ton micro et va au coin. Le rap coule dans mes veines, quand je pose viens voir comme l'homme est zen. Je remercierai jamais assez Zeko et Brand pour ses prods comme je les aime. Karim est téléphoné, hashtag Nabila, non mais allo. Je vais niquer tous tes projets, ça me fait kiffer de voir qu'il tombe à l'eau. Zorro, Zorro, afin que vous arrêtiez de rapper, je viens trancher vos palais. On m'a réquisitionné pour faire le ménage en studio, je me déplace avec un balai. Ils se prennent pour des princes, mais ils viennent pas de Bel Air. T'as 150 chevaux, j'ai un cheval, mais je te mets à l'amende quand j'accélère. Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé. Je répète, Zorro est arrivé, Belek, Zorro est arrivé. Bokeba, Zorro est arrivé, Belek, Zorro est arrivé. Bokeba, Zorro est arrivé, Belek, Zorro est arrivé. Bokeba, Zorro est arrivé, Belek, Zorro est arrivé. Belek, Zorro est arrivé, Belek, Zorro est arrivé. Belek, Zorro est arrivé, Belek, Zorro est arrivé. Belek, Zorro est arrivé, Belek, Zorro est arrivé. Belle en fit, je comprends pas le concept, ils aiment se faire frapper, c'est sado. Belle en fit, je comprends pas le concept, ils aiment se faire frapper, c'est sado. Belle en fit,